Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Will du PMR comme vous pouvez l'entendre pour cette nouvelle édition. Vous l'avez entendu, une édition qui s'est attaquée donc ce soir avec un tout nouveau groupe, en tout cas pour ma part et pas que, hein, c'est un groupe quand même vachement récent, ils sont allemands, ils s'appellent Gold to Dust, ils tapent un petit peu dans le djent metalcore et c'est tiré de leur premier EP, Smile Blind, qu'on retrouvera du coup un petit peu dans l'émission. Si je dis un petit peu et non pas chroniquer comme je pourrais dire à l'accoutumée, c'est que ce soir on va se faire une émission assez spéciale, entièrement improvisée. Voilà, une émission donc pour moi de retour avec vous et du coup j'ai décidé pas de chronique cette semaine, on rattaque tout correctement la semaine prochaine. Et en attendant, cette EP que j'ai découvert est assez sympathique. Donc on a entendu hein, la piste d'intro et cette piste de Carry Me, donc les deux pistes d'ouverture de leur EP Smile Blind. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu parce que ben on va repartir sur une troisième piste, de quoi dire les découvrir un petit peu plus. Cette piste là s'appelle Dust. Voilà, ils font quand même dans des pistes assez courtes mais quand même assez énergiques et ça c'est plutôt sympathique. Allez, je vous invite comme chaque semaine, comme vous le savez, à venir lâcher vos dédicaces www.funkmetalrock.com. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti, let's rock. Et voilà les amis, comme vous avez pu les entendre, c'était donc le groupe Gold to Dust, donc groupe allemand de djent metalcore, avec cette piste-là, Dust, qui j'espère vous a plu ce soir. Allez, on va passer tout de suite à un autre groupe, à un autre style. On va repartir sur quand même du bourrin, du couillu et surtout du français. Et ouais, on revient chez nous. Je sais que vous les appréciez, ces gars-là. Et franchement, tant mieux parce que moi, je les adore. Post 942 avec leur nouvel EP Extend Play 2. Et cette fois-ci, on se tire la piste Devil's Complaint. Devil's Complaint du groupe Post 942, voilà un groupe quand même de stoner, de rock bien burné, bien couillu et qui sait nous envoyer du très lourd comme ça nous fait plaisir dans cette édition. Une édition qui va revenir un petit peu à la source ce soir, voilà on a passé un petit peu du gent metalcore, là on revient plus sur du rock et cette fois-ci on va partir dans un style carrément différent avec une réédition voilà, qui est sortie. Si je ne m'abuse, cette année, oui c'est ça, Revolution DNA, voilà, du groupe Septic Flesh. Et ben, pour se faire plaisir, rien de tel que justement la piste au dentre au titre Revolution pour vous dans le punk metal rock. Juste avant de partir sur cette piste, hein, je vous le rappelle, si vous souhaitez lâcher vos dédicaces, allez-y, n'hésitez pas, hein, www.punkmetalrock.com. www.lesdiscussionsdelabrique.com. Vous pouvez retrouver également les podcasts, les playlists, tout ce qu'il faut de l'émission. Voilà, également tout ce qu'il faut pour me contacter à côté de ça, pas que dans les dédicaces. Et également pour les dédicaces, hein, je vous le rappelle, 07 85 51 13 73. Et voilà, c'était donc Septic Flesh avec Revolution, tiré donc de l'album Revolution DNA, sorti en 2016, hein, la réédition bien entendu, je vous en parle. Et en attendant, on va partir cette fois-ci sur un autre groupe. Vous connaissez sans doute Maximum The Hormone, en tout cas pour les férus qui suivent le PMR, oui, vous les connaissez, je les ai déjà passés pas mal de fois. Et ben, par tout hasard, et franchement, juste voilà, en naviguant comme ça un peu sur le web, j'ai réussi à tomber un petit peu sur... un homonyme, dira-t-on, un équivalent brésilien. Alors franchement, c'est pas du tout non plus, c'est pas vraiment de la même trempe, ça a pas le même niveau que Maximum The Hormone. Sans compter qu'à ce que j'ai pu réussir à en comprendre un petit peu, à découvrir, le mec fait ça tout seul, de temps en temps il est un petit peu accompagné, mais voilà, pas de live, rien, juste un album produit. Cet album-là, c'est O Attack Dos Headbangers Virtuaux, voilà, désolé pour la prononciation, et le nom de groupe qu'il s'est donné, en tout cas, c'est Bonde do Metalero. Voilà, sorti en 2016, il nous est sorti ici quelques pistes pas spécialement mauvaise et au contraire assez bien perché. C'est pour ça qu'on s'en écoute tout de suite, allez, d'affilée même deux pistes assez différentes d'ailleurs au niveau du point de vue de la suite de l'album. On va commencer avec une piste de début, Brasileiro, et enfin on enchaînera avec cette fameuse piste 6, Fuck You Haters. Você devolveu o Brasil pro Zid e pedir desculpa. Cusão, não mexe com meus camaradas. Cusão, sou bem pra dar ideia. Bondedo Metalero avec son album O Ataque dos Edvanger Virgro, sorti en 2016. Voilà, je pense pour ce One Man Band. À la pochette d'ailleurs, hein, pour une fois, voilà, sur une émission assez spéciale, je vais m'y attarder sans plus tarder. Et c'est une pochette représentant une sorte de black metalleux, dira-t-on, avec un soleil également maquillé comme un bon black metalleux. Surfant sur un surf un petit peu enflammé sur la fin, le tout sur un arc-en-ciel au-dessus des nuages avec un joli fond jaune. Donc voilà, quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur sur cet album. Ça nous inspire bien entendu le Brésil et ses plages de sable pour une musique quand même assez bien déjanté. Allez, vu que c'était bien, assez bien même déjanté, j'espère que ça vous a plu, toujours tout ça. On va partir sur une autre, un petit peu, je pense, un hommage à un célèbre acteur, également un célèbre bodybuilder et également un célèbre gouverneur. Voilà, je pense qu'avec ces trois titres, vous l'aurez reconnu, bien entendu. Petite piste hommage à Arnold Schwarzenegger, appelé ici Arnold Schwarzenegger. Voilà, piste, une des pistes de fin de cet album O Ataque dos Edvanger Virgro de Bondo do Metalero. Allez, je vous le rappelle toujours, hein, si vous souhaitez lâcher vos dédicaces dans le PMR, allez-y, faites-vous plaisir, www.punkmetalrock.com ou bien par téléphone, hein, 07 85 51 13 73. I know you are a sinner. Will de retour après cette petite piste surprise pour vous dans le PMR. On a bien entendu tout à l'heure écouté Bando do Metalero avec Arnold Schwarzenegger. Et là, on est parti carrément sur un style radicalement différent. Et oui, un album qu'on retrouvera également dans les prochains PMR et dans d'autres émissions. Cet album-là, c'est Armageddon du groupe Equilibrium, dont je vous ai offert cette piste-là, Catharsis. Allez, quitte à partir sur un petit peu des nouveaux albums, des albums, dira-t-on, plutôt frais de l'année 2016, on va partir sur un autre groupe, un groupe de thrash death metal. Ce groupe-là s'appelle Rotten, et ils nous ont sorti en 2016 un album, Rotting to Death. Et cet album, bah, je vous en tire une piste comme ça, allez, prise au pif. Franchement, l'album est quand même assez sympathique. Je vous le rediffuserai à l'occasion. Et ben là, pour ça, on s'écoute Gigas. Rotten avec Gigas pour vous dans ce PMR pour votre plus grand plaisir. En tout cas, je l'espère. Moi, franchement, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être découvert, un groupe dont on mérite d'écouter 7 albums. Et ben, en parlant de ça, vu que moi j'aime bien et j'espère que vous aussi, je vous le rappelle, hein, dites-le-moi dans les dédicaces de l'émission. Et ben, on va continuer avec une autre piste et on va aller beaucoup plus loin dans l'album, voir si ça se ramollit un petit peu ou pas. Donnez-moi votre avis, moi le mien en tout cas est déjà fondé, comme vous le savez, hein, on les retrouvera également dans la suite de l'année. Et ben là on part tout de suite avec la piste We Are The Damned. We'll be right back. vous rappelle l'album Waiting to Dance, le groupe Rotten, et c'est à la piste We Are the Damned. J'espère que tout ça vous plaît, et là on va venir sur un autre groupe que j'ai déjà diffusé, et surtout dans ces PMR of Summer, un groupe qui m'a quand même grandement plu, grandement conquis de par tout son style. Ce groupe-là, c'est Winterbloat. Ils nous sont italiens, ils nous font un petit peu de Viking Death, et leur album c'est Realms of the Untold, sorti en 2016. Pour ça, on va écouter une piste assez particulière, sachant qu'il s'agit là de la bonus track de l'album. Donc, 9e piste hein, exactement, Triumph Records My Name. Une piste qui a d'ailleurs eu le droit à son propre clip. Donc, je vous invite à aller voir ça et vous écouter tout ça si vous accrochez au groupe. Alors, en attendant, je leur cède la place. Hein, Winterbloat, Triumph Records My Name. Triumph Records, My Name, du groupe Winterblonde. Putain, ça c'est du bon Black Death, un petit peu Viking également quand même sur les bords, enfin plutôt du Viking Death mélodique. Et franchement, je trouve que ces mecs savent envoyer du bon gros pâté bien comme il faut. Allez, comme vous le savez, l'émission a bel et bien avancé vu qu'on est déjà à la fin, une dernière petite piste. Qui sera une piste d'ailleurs ce soir instrumentale. Un groupe que j'ai pu découvrir que très récemment, qui est actif quand même pourtant depuis quelques années, sachant que si je ne m'abuse, le premier album ou EP, enfin, dans ma discothèque personnelle, le premier album que j'ai commence donc à 2012. Je ne serais pas étonné, voilà, faudrait que j'aille vous faire fouiller ça pour l'avenir, qu'ils aient sorti des EP ou autre avant. Ce groupe-là, pour l'avoir écouté quand même un petit peu, est fort sympathique. Il a su mélanger un petit peu pas mal de styles, dont notamment rajouter dans tout ça le style du djent, assez instrumental en très grande partie, hein, c'est le groupe Bend the Sky. Et je vous ai tiré pour ça une piste qui s'appelle donc Harbinger, pardon, voilà, je vais y arriver, tiré, si je ne m'abuse, d'une sorte de single, justement, tout récent, hein, 2016, Harbinger. Voilà, comme vous le savez, vous pouvez retrouver tout ce qui est podcast, playlist de l'émission, tout ce qu'il faut savoir, les dédicaces, hein, tout ce qu'il y a, une seule adresse, je vous invite à la visiter et à la partager comme celle de la page Facebook de l'émission Punk Metal Rock, le site www.punkmetalrock.com. Allez, on va donc se quister avec Harbinger du groupe Bend the Sky, plutôt quelques bonnes notes de cette piste. Je reviendrai sur pas mal de groupes, comme vous avez pu le constater, c'était aussi le but de cette émission, vous montrer un petit peu quelques groupes qui vont être diffusés dans les prochaines à venir. Allez, en attendant, je vous le savais, je vous dis merci à tous, à la semaine prochaine, même lieu, même heure. See you soon, stay tuned and stay metal.